crois que je suis fatigué. Fatigué de tout ce que je vois, tous ces gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces enculés? On n'a pas besoin d'eux. Ouais, je sais pas. Des fois je me dis, ça serait bien de se calmer un peu. Se calmer? On fait quoi? On se trouve un petit taf de merde, un patron de merde. Après on rentre, on mange de la merde. Et on s'endort devant la dernière série éclatée sur Netflix. C'est ça le plan? Arrête d'extrapoler toi aussi. Mais c'est quoi le problème? Monsieur a des remords. Tu lances une machine, après tu veux tout arrêter. C'est pas comme ça la vie. Maintenant, faut avancer. Avancer comment? On avance. Et c'est tout. Et l'humain dans tout ça? J'emmerde l'être humain. J'emmerde.